La tragédie de juin 1940, les pionniers de la France libre, quand la France n'était plus en France. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Nous voici maintenant dans les derniers jours de juin 1940. Le gouvernement du maréchal Pétain à Bordeaux a accepté les conditions de l'armistice imposées par Hitler. Et nombre de Français ou d'habitants de la France qui ne trouvent pas désirable le nouveau régime qui s'annonce ou qui savent qu'ils seront sous ce nouveau régime indésirable songent à quitter le pays. Alors ils vont tenter la voie des airs. Saint-Exupéry va partir de Bordeaux-Mérignac, va joindre Oran. Il se retrouvera à l'hôtel Aléti d'Alger, en train de déjeuner avec Gaston Palevski. Il dit ses hésitations, où aller, vers quelle direction. Gaston Palevski cache les siennes, il sait qu'il rejoindra la France libre. Julien Green, lui, il va partir en voiture avec son compagnon, Robert de Saint-Jean, depuis Bordeaux. Il faut un permis spécial pour circuler en Gironde. Julien Green va finir le trajet à pied jusqu'à la frontière pyrénéenne. Ou bien que citoyen américain, il est mal reçu par les douaniers espagnols qui se souviennent que le régime républicain français n'aimait pas les nationalistes. Il n'y avait pas d'Hidalgo chez vous non plus pour nous recevoir quand nous étions réfugiés, lui disent les Espagnols. Et puis beaucoup vont tenter la voie maritime que connaît bien notre invité qui est avec nous depuis la Bretagne. Vous m'entendez, Christian Boujard? Alors, bonjour Jean Lebrun, mais je vous entends très faiblement. Oui, mais nous allons parler fort. Vous savez que il y a toujours un peu de brouillage sur les radios à l'époque qui nous intéresse. Alors, je dirais quels sont vos travaux sur l'histoire de la Bretagne, mais je voudrais faire appel avec vous à ceux de Jean-François Muratschiol, qui a très bien étudié les Français libres et qui insiste sur le fait qu'ils sont très jeunes. Julien Green, il a 40 ans, mais la majorité des gens qui vont tenter l'aventure maritime et quitter la France à ce moment, bah, ils ont 20 ans, parfois moins. Christian Boujard. Oui, tout à fait. La moyenne d'âge est autour de 22 ans, 22 ans et demi. 40% des Français libres, au moment de leur engagement, ont moins de 21 ans. Alors c'est important parce qu'ils ne sont pas majeurs. C'est donc une rupture avec la société, une dissidence tout à fait remarquable. Et même 5% d'entre eux ont moins de 17 ans. Donc ça en dit long sur la composition des Français libres. Alors si on veut regarder du côté de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les vieux, Jean-François Muratschiol a montré que 12% seulement d'entre eux avaient plus de 30 ans. Et 3% seulement plus de 40 ans. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la sociologie et à l'âge de la plupart des résistants, y compris à l'intérieur, ultérieurement. Mais attendez, là vous êtes en train de dire que les Français libres le sont déjà quand ils quittent la France. Ils ne sont pas nécessairement informés ni de l'appel du 18 juin, ni de la composition d'une force indépendante à Londres. Ils cherchent à partir. Et en effet, ils sont jeunes. Alors certains ont reçu, alors qu'ils sont mineurs, des mots d'autorisation de leurs parents. J'autorise mon fils à quitter la France et à s'engager en Angleterre pour continuer à prendre les armes. Certains non plus ne sont pas français. Julien Green raconte qu'il a croisé sur le poste frontière des Pyrénées, la Grande-Duchesse du Luxembourg, qui était là, assise sur le talus, en train de manger du pain d'épices. Et puis il y a aussi les bribes des gouvernements en exil, le Polonais, le Belge, des armées alliées qui cherchent à partir le plus vite possible de France et que va rencontrer un tout jeune homme, François Jacob, il n'est pas encore prix Nobel, académicien, professeur au Collège de France, compagnon de la Libération, etc. Il est juste interne en médecine. Sa mère vient de mourir et il sait qu'il faut partir. François Jacob est juif et il va direct, traverse la France pour cela, à Saint-Jean-de-Luz. Nous avons constaté à ce moment-là qu'il y avait une troupe de soldats français qui avaient enlevé leurs écussons, qui se déguisaient en polonais, qui avaient enlevé leurs écussons, qui avaient enlevé leurs calots, qui commençaient à embarquer. Et nous sommes installés derrière. Il y avait sur le quai, à ce moment-là, il y avait deux bateaux polonais en rade. Et juste quand nous sommes arrivés, une barrière de garde mobile est venue s'installer pour empêcher, en principe, les Français de s'en aller. Et devant moi, il y avait un petit type dont il était visible à 100 mètres que c'était un Parigot. Et j'ai appris plus tard que c'était un jockey. Il avait tellement l'air d'un Parisien que un énorme garde mobile lui a mis la main sur l'épaule, lui a dit « Où tu vas, toi ?» Et l'autre a sorti le seul mot qui ressemble à le polonais qu'il avait dans la tête, « Disvastika ». Et le garde mobile a regardé complètement scié. Le type est passé et nous sommes passés, mon copain qui s'appelait Roger Dreyfus, et moi, on est passé derrière et on est donc atterri sur le batterie, le bateau polonais. Alors le titi, le jockey, il avait cherché des mots en ski et en ska qui pouvaient faire polonais, il avait trouvé celui-là. Robert Gallet, lui, va au même endroit s'embarquer sur un bateau chargé de polonais, le Jean Sobieski. Christian Boujard. Christian Boujard aurait-il disparu, englouti par les eaux? Non, vous êtes là. Oui, je suis là, oui. Alors donc les gens qui partent sur les bateaux chargés d'étrangers, c'est à bord qu'ils vont apprendre qu'il y a une résistance qui s'organise à Londres, et encore ne vont-ils pas toujours l'apprendre? Oui, en effet, disons que une des raisons du départ de beaucoup de ces futurs Français libres, c'est le refus de la défaite, et c'est la réaction au discours du maréchal Pétain qui appelle à négocier l'armistice et à cesser le combat. Certains ont pu entendre l'appel du 18 juin, comme Maurice Schumann, qui d'ailleurs lui aussi s'embarque à Saint-Jean-de-Luz. D'autres pensent être sur des bateaux en partance vers l'Afrique du Nord, vers le Maroc ou vers l'Algérie, et ils vont se retrouver en Angleterre. Donc il y a ces quelques journées autour, à partir du 20, 21, 22, 23 juin, qui fait que des hommes partent sans trop savoir ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils veulent, c'est poursuivre la guerre. Un des embarqués de Saint-Jean-de-Luz, c'est Daniel Cordier, qui a raconté moult fois son départ. Le dernier souvenir qu'il a emporté de la terre française, c'est une chanson, une espagnolade qu'il détestait d'ailleurs, Rina Ketty, Sombre et Rose et Mantille. Daniel Cordier, son récit, Christian Boujard. Oui, alors Daniel Cordier, il est tout à fait emblématique de ces jeunes qui font le choix de partir par patriotisme, alors que lui, par sa formation, est un homme qui vient de l'extrême droite. Hein, il a été militant monarchiste des Camelots du Roi, mais il ne peut pas accepter la défaite. Et ça, c'est vraiment le ressort de la totalité quasiment de tous ceux qui partent. Donc l'appel du maréchal Pétain le 17 a fait davantage pour le recrutement, le départ vers une action de résistance, que l'appel du 18 juin du général de Gaulle. On a bien entendu la leçon. 14% des Français libres s'avéreront être des Bretons, 21% résidaient en Bretagne avant-guerre. Voici des échos de Brest, où règne le plus grand désordre en ces derniers jours de juin. 80 bateaux de pêche et de commerce sont là, qui encombrent la rade, et puis aussi, bien évidemment, les bateaux de la Royale. Le témoignage de Jean Gay. 5 à 6 chasseurs alpins, membres du corps expéditionnaire qui revenaient de Norvège, complètement démoralisés, ont jeté leur armement et tous les objets qu'ils avaient sur eux par terre. À ce moment-là, un capitaine de frégate de la préfecture maritime de Brest, en tenue de combat, est intervenu, leur a demandé de reprendre leur armement et d'embarquer pour rejoindre soit l'Angleterre, soit l'Afrique. Ils ont refusé. À ce moment-là, cet officier s'est vu contraint de sortir son revolver de l'armée, de les menacer. Devant son assistance, les soldats ont ramassé toutes leurs affaires personnelles et ont pris le chemin du port où ils sont embarqués sur un bateau de pêche. J'étais réquisitionné par un officier de marine pour le conduire dans les ports de la côte pour ramener au port du Conquet à la pleine mer à midi tout ce qui pouvait flotter pour embarquer en principe 5000 hommes de troupes qui devaient transporter à Ouessant. En fait, les 5000 hommes ne se sont jamais présentés. Et c'est comme cela que beaucoup de jeunes ont pu s'embarquer dans ces bateaux qui attendaient d'embarquer des militaires qui ne sont pas arrivés jusque-là. Et ce sont les jeunes qui sont partis comme ils étaient, en espadrilles, en shorts, en chemisettes, beaucoup sans même un mouchoir de poche. Christian Boujard, qui intervient depuis la Bretagne, aura reconnu la voix de Charles Le Goasguen, qui aura un destin de compagnon de la libération, Christian Boujard. Oui, tout à fait. Charles Le Goasguen a été compagnon de la Libération, ensuite militant gaulliste, RPF, UNR, député de Brest de 1962 à 1967. Et il incarne justement ces Bretons qui se sont engagés immédiatement. Je crois que ces témoignages montrent bien, je dirais, la double situation. Ces soldats frappés par la défaite qui veulent cesser le combat, et puis cette minorité très très petite, hein, puisqu'il n'y aura que 8000 volontaires aux côtés du général de Gaulle à Londres en juillet 1940 et un peu plus de 20 000 à la fin de l'été 40. Donc ces jeunes volontaires partis de Bretagne ou d'ailleurs, hein, plus de 10% sont partis du total de l'été 40 sont partis de Bretagne, qui eux veulent poursuivre le combat. Et ce qui me frappe, c'est le nombre assez important de fratries, de frères en particulier. Il y a des Brestois. Enfin, je citerai le cas des Montjarret, des Côtes du Nord, puisque Hervé Montjarret sera le radio de parachuté avec Jean Moulin en 1942. Son frère s'engage et se battra dans la deuxième division blindée de Leclerc. Et on a de nombreux exemples comme cela. Alors on a cité. Tout à l'heure, vous parliez du rôle de l'encadrement. On voit des élèves de l'école d'hydrographie de Paimpol, 80, qui s'embarquent sur un yacht poussé plus ou moins ou encouragé par leur professeur. On a aussi des élèves de l'armée de l'air qui embarquent sur un langoustier à Douarnenez. Ils sont à peu près 130. Et tous ces jeunes vont former les futurs combattants et même parfois les futurs cadres de la France libre. Alors Paimpol, Douarnenez, le nom d'Ouessant a été prononcé par Charles Le Goasguen. Ouessant qui a servi de relais jusqu'au 5 juillet, parce que les Allemands ne sont arrivés que le 5 juillet. Et l'officier qui commandait la garnison d'Ouessant a dit d'ailleurs « Je ne me rends pas parce que je suis encore libre par la mer ». Et les Allemands ont renoncé à faire les soldats français d'Ouessant prisonniers. Il y a l'île de Bas aussi, il n'y a pas que l'île de Sein dans les îles bretonnes. Christian Boujard. Ah, silence sur le rat de Sein. Vaut mieux entendre ce silence que les huées qui ont accueilli le 17 juin Marine Le Pen quand elle a tenté de venir à l'île de Sein rendre un hommage que les Senans n'attendaient pas. Les Senans ont souvent la tête près du bonnet et on sait qu'ils sont 125 ou 140 hommes à avoir quitté d'un bloc, cornaqué par le recteur, l'île de Sein. Oui, je disais, Christian Boujard, vous étiez perdu dans le rat de Sein, que l'île de Sein n'est pas la seule île à avoir servi de tremplin. Christian Boujard. Oui. Alors écoutez, puisque nous avons perdu, qui voit Sein voit sa fin, puisque nous avons perdu le contact, je vous propose, avant qu'on arrive en Angleterre, d'écouter Véraline. Véraline, c'est une chanteuse qui vient de disparaître le 18 juin. Elle avait un peu plus de 103 ans et elle était surnommée la petite fiancée des soldats anglais parce qu'elle accompagnait tout leur mouvement. Nous nous retrouverons, disait-elle. On sait que c'est la phrase qui a conclu la plus belle des allocutions de l'époque de la Covid et du confinement, l'allocution de la reine Elisabeth au mois de mars de cette année. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Les pionniers de la France libre quand la France est en Angleterre. Nous sommes de nouveau avec Christian Boujard, vous m'entendez ? Je vous entends, Jean Lebrun. La bouée, ça a été le bon vieux téléphone fixe 0299, Lille et Vilaine. Alors, il faut que on comprenne bien que ceux qui arrivent, qui sont pas si nombreux, vont se retrouver non loin de Français, de militaires français qui réembarqués à Dunkerque, venant de Norvège, que sais-je, sont là en France, en Angleterre, pardon, eux aussi devant un choix. Ils sont bien plus nombreux que ceux qui arrivent, ceux qui sont déjà là. Christian Boujard. Oui, absolument. Il y a tous les hommes rapatriés par la poste de Dunkerque, ceux qui rentrent de Norvège, mais la grande majorité d'entre eux ne font pas le choix de s'engager aux côtés du général de Gaulle. Si nous prenons le cas de la marine, des marins, il y a près de 12 000 marins à la mi-juillet 1940 à Londres. Or, sur ce total, 882 rejoignent le général de Gaulle, donc s'engagent dans la France libre. Les autres vont rentrer en France. C'est le cas aussi d'une partie des chasseurs alpins du général Bétoir, pour ne citer qu'eux. Et citons aussi l'engagement d'un certain nombre de marins français dans la Navy, hein, aux côtés des Anglais. Puisque les Anglais font aussi le forcing pour récupérer des hommes. On peut peut-être raconter un cas qui s'inscrit dans votre mémoire familiale, un nommé Duval. Et tout à fait. Hilaire Duval était un pêcheur à Terre-Neuve breton qui se retrouve en 1940 à Londres, enfin dans les ports britanniques, qui est neutralisé lors de l'opération catapulte des Anglais. Et là, on lui propose soit de rejoindre le général de Gaulle, soit de s'engager dans la Royal Navy. Et son argument, c'est de dire « Mais de Gaulle, moi, je ne le connais pas. C'est un général de l'armée de terre. J'ai pas envie de marcher à pied. Moi, je suis un marin. Donc, je m'engage avec les Britanniques. » Et il a fait toute la guerre dans la marine britannique jusqu'en 1946. Mais quand vous dites « on », prenons le cas du camp de Harrow, par exemple. Alors, les Français qui sont là reçoivent des visites des uns et des autres. Georges Boris vient faire la propagande du général de Gaulle. C'est un journaliste, alors il installe des journaux muraux. Le général, qui est le plus haut gradé parmi les Français qui sont là, affiche, lui, un communiqué contre les déserteurs. Et un colonel britannique vient en disant « bah oui, vous pouvez vous engager dans la France libre, mais enfin, on vous garantit rien si vous êtes prisonnier. Vous n'aurez peut-être pas le statut de prisonnier de guerre. » Et il y a comme ça des semaines d'hésitation, Christian Boujard. Absolument. Il faut bien préciser que ceux qui arrivent de France sont regroupés par les Anglais dans des camps de triage et qu'il y a effectivement une sorte de chasse à l'homme, entre guillemets, pour les engagements. Les premiers officiers qui rejoignent le général de Gaulle viennent essayer de faire des recrutements. Et tout ça se produit entre le 19-20 juin et le début juillet 1940. Alors ceux qui sont au camp de Harrow et qui ont choisi la France libre, soit seulement 10% du total, vont se retrouver dans un lieu de regroupement, cette fois dans la capitale, qui s'appelle l'Olympia et qu'évoque ici Serge Borochevitch. On nous a accordé le droit de nous rendre à l'Olympia il y avait environ 500 volontaires. Là, nous avons vraiment appris que le général de Gaulle formait une armée française et non pas ce qu'on a voulu dire, un embryon. Pour nous, c'était la France, c'était la renaissance de l'armée française en Angleterre. D'ailleurs, c'est là où nous avons eu, pour la première fois, la visite du général, qui était accompagné de Lady Churchill et de la reine d'Angleterre. Là, il y a un point intéressant sur ces 500 volontaires. Il y avait environ 350 jeunes gens entre 19 et 22 ans. Moi, j'allais avoir 19 ans, je n'avais pas encore 19 ans, qui préparaient les grandes écoles. On retrouvera ces 350 volontaires à des postes très importants, puisque nous allons tous, les uns et les autres, suivre des écoles d'officiers et nous allons former le noyau dur des officiers subalternes des forces françaises libres. Serge Borochevitch parlait au micro d'Henri Roland-Coty. Il évoquait les élèves qui sont en préparation des grandes écoles. Le 15 juin à Paris, au lycée Montaigne, le lendemain de l'occupation par les Allemands, il y avait des épreuves pour l'école navale. Et le jeune Hubert Germain, celui qu'on a retrouvé au Mont-Valérien le 18 juin aux côtés du président de la République, s'est levé tout de go et a dit « Ben, moi, je continue pas à faire les épreuves, je pars faire la guerre ». Alors, ce rôle des élèves des grandes écoles dit beaucoup sur le recrutement sociologique des Français libres. Christian Boujard. Oui, absolument. Les élites françaises ne sont pas à Londres avec De Gaulle, mais une partie de leurs enfants font le choix d'aller à Londres. Et en effet, une partie d'entre eux, et même une partie conséquente, beaucoup plus que la moyenne française de l'époque, ont fait des études secondaires, sont bacheliers ou préparent le baccalauréat, 45%, et une partie non négligeable ont fait des études universitaires ou les grandes écoles. Ce qui explique aussi que la formation de ces lycéens et étudiants va se faire assez rapidement et ils vont pouvoir jouer un rôle considérable, non seulement dans la France libre, mais ensuite lorsqu'il s'agira de reconstruire le pays après la guerre. Oui, dans les filières industrielles, y compris atomiques, et dans les filières de hauts fonctionnaires. Alors, il n'y a pas de paysans, il n'y a presque pas d'ouvriers. Je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait des Français moyens, si tant est que ce soit une catégorie sociologique. Le général de Gaulle disait, ce qui a rendu si rare les Français libres, c'est le fait que tant de Français soient propriétaires. Alors, ils ont leur petite maison, leur petit atelier, leur petite ferme, leur petit tas de bouquins et de bons du trésor. Les possédants sont possédés par ce qu'ils possède. Bah oui, mais enfin, il y avait des grandes familles bourgeoises et aristocratiques, mais peu de classes moyennes, Christian Boujard. Oui, alors ça s'explique aussi par le contexte. Il fallait être en mesure de partir, de quitter la France. D'ailleurs, quand on regarde les régions d'origine des Français libres, ce sont pour la plupart soit des Parisiens, soit des gens des départements côtiers. Faire ce choix dans la débâcle, dans le chaos de 1940, ce n'était sans doute pas simple. Ensuite, le passage par les Pyrénées ou les filières d'évasion par mer, très très périlleuses, limite aussi les possibilités. Donc le jugement du général est peut-être un peu discutable avec le recul. Oui, mais il cherchait des compétences, le général de Gaulle. Alors, il n'a pas trouvé beaucoup d'officiers supérieurs. Il a trouvé un vice-amiral, c'est pas celui que la marine nationale reconnaissait comme le plus représentatif, l'amiral Muselier. Et il n'a pas trouvé non plus beaucoup de civils dotés de compétences. Quand il s'installe à Carlton Gardens fin juillet, l'endroit où Emmanuel Macron est allé le 18 juin, il a cependant au-dessus de lui, au troisième étage, René Pleven, et au quatrième étage, René Cassin. Ça, ce sont des compétences. Et si j'insiste sur René Pleven, c'est parce que vous êtes le biographe de René Pleven, Christian Boujard. Oui, alors René Pleven est d'une certaine façon emblématique de cette minorité qui a fait le choix de rejoindre De Gaulle. Cassin était parti du Pays Basque quelques jours plus tôt. Pleven, lui, vivait en Angleterre depuis une dizaine d'années. Il était PDG d'une société américaine. Il a été l'adjoint de Jean Monnet pendant la drôle de guerre pour acheter des armes, notamment aux États-Unis. Et Pleven, très honnêtement, a raconté qu'il a hésité pendant quelques jours. Alors qu'il connaissait De Gaulle, il avait participé à la négociation de ces fameux accords d'union entre la Grande-Bretagne et la France du 16 juin 1940 qui n'a pas abouti. Il a été soumis aux pressions de Monet qui lui est parti aux États-Unis. Et à travers sa correspondance qui a été publiée il y a quelques années, que je ne connaissais pas quand j'ai écrit mon livre, les échanges avec son épouse... Son épouse est aux États-Unis. Elle est partie au Canada d'abord et aux États-Unis ensuite. Il hésite jusqu'au début juillet à rejoindre De Gaulle, et ce n'est qu'entre le 3 et le 10 juillet qu'il fait le choix et qu'il devient effectivement celui qui, à mon sens, va être pendant toute la guerre le bras droit du général De Gaulle, où il va occuper à peu près toutes les fonctions. C'est-à-dire que quand le général De Gaulle avait une difficulté, qu'il était dans l'embarras, il disait à ses interlocuteurs bah, « allez voir Pleven hein. ». Absolument, et Pleven a assuré, je disais, tous les postes administratifs importants, et il assure l'intérim lorsque le général part en tournée en Afrique. Alors dites-moi, c'est un homme relativement connu, peu connu, enfin sauf en Bretagne, où il est très reconnu encore, il était presque aussi grand que le général de Gaulle. Pourquoi des gens de cet acabit, de cette importance, ont-ils été aussi discrets, Christian Bujard? Alors, je crois que pour René Pleven, ça tient à sa personnalité. C'était quelqu'un de modeste, me semble-t-il. Bon, qui avait des idées particulièrement claires. C'est un petit peu l'incarnation dans sa carrière politique du centriste. Mais c'est aussi par ses origines familiales, un père officier, c'est un patriote. Et s'il a songé pendant quelques jours à s'engager, c'était d'abord chez les Canadiens, avant de rejoindre la France libre. Et je crois qu'il n'a jamais cherché à se mettre en avant, même si, vous le savez, il a occupé des fonctions éminentes, notamment sous la 4e République, deux fois président du Conseil. Mais quand on rencontrait des Français libres, on les entendait toujours dire « Mais moi, je voulais aller au combat, je voulais aller au casse-pipe, et sans me soucier d'un poste hiérarchique, même dans l'armée, sans me soucier d'être officier. Il fallait aller à la castagne, c'était ça qu'ils cherchaient les uns et les autres. » Alors, je crois que ça s'explique aussi par l'extrême jeunesse de ces volontaires qui étaient partis pour continuer la guerre et qui d'ailleurs s'engagent pour la durée de la guerre. C'est la différence avec la résistance intérieure où là il n'y a pas d'acte d'engagement. C'est un choix qui est fait par individuellement. Alors pour les Français libres, au moment du départ et du choix, c'est la même chose. Ensuite, effectivement, ils aspirent à se battre, mais tout cela demande une formation. Et ça prend plusieurs mois de formation militaire dans les camps en Angleterre avant ensuite d'être expédié en Afrique, au Levant ou ailleurs. Expédié en Afrique, on va terminer cette émission en entendant le témoignage rare de René Pleven qui va devenir le commissaire aux colonies, le responsable de l'Empire pour la France libre et qui a été envoyé au Tchad depuis Lagos, qu'il avait rejoint en hydravion. Il a fait l'aller-retour avec la capitale du Nigeria pour rallier Fort Lamy à la France. Il a été convenu que le commandant Dornano et moi, nous partirions vers Fort Lamy pour prendre contact avec le gouverneur Eboué, qui avait manifesté le désir de rencontrer des émissaires du général de Gaulle. Quand nous sommes arrivés au-dessus de l'aérodrome de Fort Lamy, nous avons vu beaucoup de monde et nous nous demandions pour qui étaient rassemblés ces uniformes et ce qui était pour Fort Lamy déjà une petite foule. Et le souvenir peut-être le plus poignant de ma vie, c'est celui de mes réflexions dans le petit avion qui m'emmenait de Fort Lamy vers Lagos, portant précieusement sur ma poitrine la déclaration de ralliement du Tchad, et de me dire que, moi qui étais d'une famille d'officiers, j'avais entraîné dans la désobéissance un régiment. Pleven devait beaucoup aux habitants de l'île de Sein qu'il avait rencontrés à Londres et qui avaient contribué à déterminer son engagement. Et la France libre devra beaucoup aux Tchadiens qui seront très nombreux à combattre, ainsi que d'autres membres des troupes coloniales pour la France libre. Ce sera notre thème demain. Merci à Christian Boujard. Sa biographie de Pleven, c'est aux presses universitaires de Rennes. Merci à Hélène Kouyoumjian, notre réalisatrice, à Mathias Alléon pour la technique, Kylin Canegulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin, Martin Pennet pour la préparation.